السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Mes très chers frères, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve ce soir afin de terminer la conférence qu'on avait commencée ensemble concernant le divorce. Et malheureusement, nous n'avions pas pu terminer le dernier chapitre concernant le divorce et qui est d'une très grande importance. Voilà pourquoi je me suis permis de demander à nos très chers frères du Merkaz Al-Ghulaba de pouvoir terminer ce soir ce chapitre concernant le divorce. Comme je vous l'avais mentionné lors du premier cours, les sujets relatifs au divorce sont très très nombreux et j'ai choisi ceux qui me semblent être le plus important, surtout pour la communauté francophone. Donc il nous restait un dernier chapitre à étudier ensemble, Inch'Allah ta'ala, et pourquoi pas dans un futur plus ou moins proche, étudier ce chapitre avec plus de détails, Inch'Allah ta'ala. Donc le dernier cours concerne Babun fi ahkam al-idda. Donc le chapitre concernant ce qu'on appelle al-idda, yani la période de viduité comme ils la traduisent en français. Donc قال شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى باب في احكام العده من اثار الطلاق العده ويراد بها التربص المحدود شرعا. شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى dans son livre الملخص الفقهي nous mentionne que le chapitre concernant les jugements de la période de viduité. Parmi les sujets relatifs au divorce, il y a la période de viduité qui correspond à la période d'attente délimitée par la législation. Et la preuve concernant la période de viduité se trouve dans le Coran, dans la Sunna et selon le consensus des savants. فأما الكتاب فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هذا بالنسبة للمفارقة في الحياة وما بالنسبة للوفاء فقد قال الله تعالى فيها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. Donc concernant les preuves venant du Coran, on a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui mentionne au sens approché et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Comme ceci est mentionné dans Sourate Al-Baqarah, verset 227. Également, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sens approché, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement, comme dans Sourate At-Talaq, verset numéro 4. Ceci concerne donc la séparation durant la vie. La séparation de l'homme et de son épouse durant la vie de l'époux. D'accord ? Mais concernant la séparation due à la mort de l'époux, alors Allah subhanahu wa ta'ala mentionne au sens approché ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et de 10 jours, comme dans Sourate Al-Baqarah, verset 234. Donc ça, c'est certaines preuves du Coran concernant la période de viduité. وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أُمِرَتْ بريرة أن تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجه ولغيره من الأحاديث. La preuve dans la sunna, on peut citer le hadith de notre mère, la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, dans lequel elle a dit, hein, Barira, hein, qui était une femme, a été ordonnée d'attendre une période de 3 menstrues, comme l'a rapporté Ibn Majah et authentifié par Shir al-Albani et autres parmi les hadiths qui sont très très nombreux. Wa ma al-hikma fa mashru'iyyat al-'iddah fa hiya istibra'u rahim al-mar'ah min al-haml li'alla yahsul ikhtilat al-ansab wa kadhalika اتحات الفرصة للزوج المطلق ليراجع إذا ندم وكان الطلاق رجعيا. Quant à la sagesse, quelle est la sagesse, hein, du caractère légiféré de cette période de viduité? La sagesse derrière cela, c'est le fait de vérifier l'absence de grossesse dans l'utérus de la femme, afin qu'il n'y ait pas de mélange dans les lignées, dans les généalogies, ainsi que le fait de donner l'opportunité à l'époux qui a prononcé le divorce de reprendre son épouse s'il regrette, hein, ce divorce et sans refaire donc un nouvel acte de mariage. وفيها أيضا صيانة حق الحمل فيما لو كان المفارقة حاملا. Également parmi les sagesses, mes frères et mes sœurs, hein, de la période de viduité, la conservation des droits de la grossesse si la séparation a été faite pendant la grossesse. Donc si la séparation a été faite pendant la grossesse, hein, l'homme doit toujours s'occuper de son épouse, hein, même s'il l'a divorcée, jusqu'à qu'elle, hein, accouche. Et ceci, il n'y a pas de doute que c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا مَنْ تَلْزَمُهَا الْعِدَّةِ فَالْعِدَّةِ تَلْزَمُ كُلَّ إِمْرَأَةٍ فَارَقَتْ زَوْجَهَا بِطَلَاقٍ وَخُلْعٍ أَوْ فَسْخٍ. La période de viduité est donc pour la femme qui est séparée de son mari par un divorce ou par le khul ou par une annulation ou par la mort. Donc elle touche, hein, tous ces types de femmes. Celle qui est séparée par un divorce, par un khul, par une annulation ou par la mort. وَأَمَّا مَنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا حَيًّا بِطَلَاقٍ أو غيره قبل الدخول بها فلا عد عليها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم اتلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أي تحصونها بالأقراء أو الأشهر ومعنى تمسوهن أي تجامعوهن تجامعوهن فدلت الآيات الكريمة على أنه لا عدة على من طلقت قبل الدخول بها ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم وذكر المؤمنات هنا من باب التغريب لأنه لا فرق بين زوجات المؤمنات والكتابيات في هذا الحكم باتفاق أهل العلم. Quant à l'époux qui s'est séparé de son épouse durant son vivant par un divorce ou autre, avant d'avoir consommé le mariage, alors il n'y a pas de période de viduité. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au sens approché, « Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles, avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. » Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de les avoir touchés, c'est-à-dire avant d'avoir eu un rapport intime avec elles. Et donc le noble verset indique que la femme qui n'a pas eu de rapport intime avec son époux ne possède pas de période de viduité si elle est divorcée. Et il n'y a aucune divergence sur ce sujet chez les savants. Hein? Donc s'il n'y a pas de rapport, la femme ne peut pas être enceinte. Donc il n'y a pas de période de viduité. Et il est mentionné dans le verset les croyantes. Hein, Allah Azza wa Jalla a mentionné les croyantes dans le but de mentionner la majorité des cas, car il n'y a pas de différence entre les épouses croyantes et les épouses, hein, des gens du livre, les juives et les chrétiennes, hein, vous savez que pour le musulman il lui est permis d'épouser, hein, les femmes des gens du livre, et ceci selon le consensus des savants. وَأَمَّا الْمُفَارَقَ بِالْوَفَاءِ فتعتد مطلقا سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ولم يرد ما يخصصها. Quant à la femme qui a été séparée de son époux dû à son décès, yani au décès de l'époux, yani elle doit passer sa période de viduité quoi qu'il arrive, que la mort soit avant ou après la consommation du mariage, selon la généralité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au sens approché, ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Et rien n'a été rapporté qui spécifie cela, c'est-à-dire, hein, il n'est pas spécifié que l'attente, la période de viduité pour la femme dont le mari est mort, c'est seulement pour la femme dont le mariage a été consommé. Non, le verset est général. Donc on dit que la période de viduité est générale, hein, pour la femme dont le mariage a été consommé ou la femme dont le mariage n'a pas été consommé. وَأَمَّا أَنْوَاعُ الْمُعْتَدَّاتِ فَهُنَّ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ سِتْ. Quant aux catégories des femmes qui ont une période de viduité, elles sont en résumé au nombre de 6. Et là, je vous demanderai à mes frères et mes sœurs, hein, chacun de vous, de prendre un stylo, une feuille et un cahier, car nous allons, Inch'Allah, détailler. Nous allons détailler les catégories de femmes, hein, dont la période de viduité, hein, est en vigueur lors du divorce ou lors de la mort de l'époux. Et donc, il y a beaucoup de catégories et il y a beaucoup de cas de figure. Si vous n'écrivez pas, vous n'allez pas vous en rappeler. Vous allez oublier, vous allez mélanger les informations. Donc je vous conseille très fortement, mes frères et mes sœurs, de prendre un stylo et d'écrire ces informations qui vont venir, Inch'Allah ta'ala. Al-Hamil والمتوفى عنها زوجها من غير حمل منه والحائل التي تحيض وقد فرقت في الحياء والحائل التي لا تحيض لصغر أو إياس وهي مفارقة في الحياء ومن ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه وامرأة المفقود. Ça, c'est les 6 catégories de femmes, qui nécessitent une période de viduité lors de la séparation avec leur époux. La première, la femme enceinte. La femme enceinte. Deuxièmement, la femme dont son mari est mort et qui n'est pas enceinte. Troisièmement, la femme qui n'est pas enceinte, qui a ses règles et qui a été séparée durant le vivant du mari. Quatrièmement, la femme qui n'est pas enceinte, qui n'a pas ses règles, dû à son jeune âge ou dû à la ménopause et qui a été séparée durant le vivant du mari. Cinquièmement, la femme qui n'a plus ses règles et qui ne connaît pas la raison de cela. Et sixièmement, la femme dont son mari est disparu. Et on va expliquer chacun, chacune de ces catégories. فَالْحَامِلْ تَعْتَدُّ بِوَدْعِ الْحَمْلِ سواء كانت مفارقة في الحياة أو بالموت لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فدلت الآية الكريمة على أن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها سواء كانت متوفى عنها أو مفارقة في الحياة. Donc pour la femme enceinte, sa période de viduité se termine à l'accouchement. Que la séparation eut lieu durant la vie de l'époux ou la séparation ait lieu par la mort de l'époux. Donc la femme enceinte, il y a 2 façons. Soit le mari, hein, l'a divorcée ou s'est séparé d'elle avec un roule et elle est enceinte. Soit la femme est enceinte et son mari est mort. La période de viduité dure jusqu'à qu'elle accouche. Selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sens approché, et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Le noble verset donc indique que la période de viduité de la femme enceinte se termine quand elle accouche, que son mari soit mort ou qu'il l'ait divorcée durant son vivant. لكن ليس كل حمل تنقضي بوضعه العدة وإنما المراد الحمل الذي قد تبين فيه خلق إنسان فأما لو ألقت مضغة لم تتبين فيها الخلقة فإنها لا تقتدي بها العدة. Cependant, attention, ce n'est pas toute grossesse qui considère l'accouchement, hein, annonçant la fin de la période de viduité. Mais la signification de grossesse est celle dont la création d'un être humain s'est manifestée. Mais si elle a fait sortir seulement un embryon et que l'enfant n'a pas été formé, alors la grossesse n'est pas considérée comme période de viduité. Hein? Si la femme, elle est enceinte et elle a perdu, hein, ce qu'elle avait dans le ventre avant qu'il soit formé en tant qu'être humain, elle a perdu un morceau de chair, un embryon. Donc ça, ce n'est pas considéré comme la période de viduité. Il faut que la grossesse soit considérée comme période de viduité lorsque l'enfant dans le ventre a été formé, hein, et il a l'aspect, hein, d'être humain. والمتوفى عنها إذا كانت غير حامل تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت وفاته قبل الدخول بها أو بعده وذلك لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. Maintenant on passe à la deuxième catégorie. L'épouse dont le mari est mort. Si elle n'était pas enceinte, alors la période de viduité est de 4 mois et 10 jours. 4 mois et 10 jours. Que la mort de l'époux eût été avant ou après la consommation du mariage. C'est pareil. Hein? Si le mari meurt, que ce soit avant la consommation du mariage ou après la consommation du mariage, la période de viduité pour la femme, si elle n'est pas enceinte, est de 4 mois et 10 jours. Et ceci selon la généralité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens approché. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et de 10 jours. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عدة الوفاة واجبة بالموت دخل أو لم يدخل بها لعموم القرآن والسنة واتفاق الناس. العلامة ابن القيم, qui est mort en 751 de l'Hégire et qui était l'élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, a dit: la période de viduité pour l'épouse dont son mari est décédé est obligatoire dès la mort du mari, que le mariage ait été consommé ou non, selon la généralité du Coran, de la Sunna et le consensus des savants. وقال الوزير وغيله اتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملا أربعة أشهر وعشر. انتهى كلامه. الوزير, ce qu'on appelle الوزير ابن هبيرة, qui est mort en 560 de l'Égir, hein, parmi les savants, hein, du madhab Hanbali, et autres parmi les ulema ont dit, ils sont tous unanimes sur la période de viduité, yani les savants, de la femme dont son mari est mort, si elle n'est pas enceinte, est de 4 mois et 10 jours. هذا ولعدة الوفاة أحكام تختص بها. Donc ici, le shir, il ouvre une parenthèse et il mentionne que la période de viduité de la femme dont le mari est décédé, hein, il y a certains jugements qui sont spécifiques à elle et qui découlent de cela. فمن أحكامها أنه يجب أن تعتد المتوفى عنها في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه فلا يجوز لها أن تتحول عنه إلا لعذر لقوله صلى الله عليه وسلم أمكثي في بيتك وفي لفظ اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك وفي لفظ حيث أتاك الخبر رواه أهل السنن. Parmi donc ces jugements spécifiques à la femme dont le mari est décédé, c'est le fait de passer sa période de viduité dans la maison où elle était quand son époux est décédé. Il n'est donc pas permis qu'elle change de maison, sauf en cas de nécessité majeure. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, reste dans ta maison. Et dans une version, passe ta période de viduité dans la maison dans laquelle tu as appris la nouvelle de la mort de ton mari. Et dans une autre version, là où tu as reçu la nouvelle, comme l'a rapporté Al-Sunan, c'est-à-dire Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i wa Ibn Majah. Fa'ini turrat ila tahawul ila bayti ghayli, fa'in khafat ala nafsiha min al-baqa fihi, au huwilat anhu qahran, au kan al-bayt musta'jaran, wa hawwalaha malikuhu au talaba akthara min ujratihi, فإنها في هذه الأحوال تنتقل حيث شاءت دفعا للضرر. Et si cette femme est forcée de changer pour aller dans une autre maison, si elle craint pour sa propre personne de rester dans cette maison, ou qu'elle est expulsée, et ou si la maison était en location et le propriétaire a changé, ou si le propriétaire a demandé un loyer plus grand, alors dans ces situations-là, elle peut changer là où elle le souhaite afin de repousser le mal. وَيَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّ مِنْ وَفَاتِ زَوْجِهَا الْخُرُوجِ مِنَ الْبَيْتِ لِحَاجَتِهَا فِي النَّهَارِ لَا فِي اللَّيْلِ مَذِنَّةُ الْفَسَادِ. Et il est permis à la femme dont le mari est décédé durant sa période de viduité de sortir de sa maison durant la journée pour ses besoins personnels et non la nuit pour l'éventuel mal qui s'y trouve. ومن أحكام عدة المتوفى عنها وجوب الإحداد على المعتدة مدة العدة والإحداد اجتنابها ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. Et parmi les jugements de la période de viduité dont le mari est décédé, il y a l'obligation de ce qu'on appelle l'ihdad, c'est-à-dire le deuil. Comme ils le traduisent par le deuil, mais comme on va voir l'explication, c'est plus général ou c'est plus spécifique. Durant toute la période de viduité, al-ihdad, c'est le fait de s'écarter de tout ce qui pourrait amener à vouloir un rapport avec cette femme et ce qui amène à vouloir la regarder. فَيَجِبُ عَلَى الْمُعْتَدَّ مِنَ الْوَفَاءِ فِي هَذَا الْإِحْدَادِ أَنْ تَجْتَنِبَ عمل الزينة في بدنها بالتحسين بالأصباغ والغضاب ونحوه وتتجنب لبس الحلي بأنواعه وتتجنب الطيب بسائر أنواعه وكل ما يسمى طيبا وتجتنب الزينة في الثياب فلا تلبس الثياب التي فيها زينة وتقتصر على الثياب التي لا زينة فيها فتجتنب كل ذلك مدة العدة وليس للإحداد لباس خاص فتلبس المحدة ما جرت عادتها بلبسه ما لم فيه زينة. Il est aussi obligatoire pour la femme qui est dans sa période de viduité après le décès de son époux durant ce deuil durant l'Ihdad de s'écarter donc de tout ce qui embellit son corps. Hein, comme le fait de se colorer les cheveux, de se teindre les cheveux ou de mettre du henné, etc. Elle s'écarte de porter des bijoux sous toutes ses formes. Elle s'écarte de mettre du parfum sous toutes ses formes. Elle s'écarte de tout embellissement dans ses vêtements. Elle se contente des habits qui n'ont pas d'embellissement. Elle doit s'écarter de tout cela durant la période de viduité. Et il n'y a pas de vêtements particuliers pour ce moment de deuil. Elle porte ce qui est normal de porter du moment qu'il n'y a pas d'embellissement. وَإِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا أَنْ تَفْعَلَ شَيْئًا كَمَا يَذُنُّهُ بَعْدُ الْعَوَّامِ. Et si elle sort de la période de viduité, cette femme qui était en deuil, il n'y a aucune chose particulière à faire, contrairement à ce que pensent certaines personnes de la masse. طيب. Troisième catégorie. وَعِدَّةُ الْآيِسَةِ ثلاثة أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. la période de viduité pour la femme qui n'espère plus ses règles. La femme qui n'espère plus ses règles, c'est de 3 mois. Selon la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au sens approché, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. وَالْمُتَلَّقَ إِذَا كَانَتْ تَحِيدْ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا حَمْلْ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حَيَضْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُبْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ أي والمتلقات ينتظرن بأنفسهن وتمكث إحداهن بعد تلاق زوجها 3 قروء أي 3 حيض ثم بعد ذلك تتزوج إن شاءت وتفسير الأقراء بالحيض مروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ولأنه ورد الأقراء في لسان الشرع ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة فإذا أتى قرؤك فلا تصلي. Quant à la femme divorcée, je vous ai dit, le cours aujourd'hui, il est technique. Il faut bien prendre des notes. On a parlé de la femme enceinte. On a parlé de la femme qui a perdu son mari. Son mari est décédé. On a parlé de la femme qui n'espère plus ses règles. La femme ménopausée. Et là, on parle de la femme divorcée qui a ses règles et qui n'est pas enceinte. Sa période de viduité est de 3 périodes de règles. 3 périodes de menstrues. Selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens approché, et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Et il n'aurait pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leur ventre. Comme ceci est rapporté dans Sourate Al-Baqarah, verset 228. C'est-à-dire que les femmes divorcées attendent elles-mêmes et elles restent après le divorce de son époux 3 qurou. 3 qurou. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné al-qurou. C'est-à-dire 3 périodes de menstrues. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une divergence chez les savants sur le sens de qurou. Certains ont dit que c'est les périodes de menstrues, certains ont dit que c'est les périodes de pureté. Mais ici, le shir mentionne que la vie le plus juste, c'est les périodes de menstrues. Puis après cela, elle se marie si elle le souhaite. Elle explique, l'explication de Al-Aqra, qui est le singulier de qurou, par période de menstrues, est rapportée de Omar et de Ali et de Ibn Abbas, radiallahu anhum. Ils ont tous mentionné que le sens de qurou, c'est les périodes de menstrues. Car le mot Al-Aqra, le singulier de qurou, est venu dans la législation. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la femme atteinte de métrorragie, si tes qurou arrivent, alors ne prie pas. Yani, si tes périodes de menstrues arrivent, alors ne prie pas. Comme l'a rapporté Abu Daoud et autres, et authentifié par Shir al-Albani. Wala bud an takuna al-hayda kamila, fala ta'taddu bihaydatin tuliqad fiha, fattalaq fil-hiyad yaqa'u ma'a al-tahrim. Lakin, la ta'taddu bitilka al-hayda allati tuliqad fiha. Ça, c'est très important. Wallah, mes frères et mes sœurs, ces sujets sont très importants. Et beaucoup de nos frères et nos sœurs tombent dans ces situations, ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ici, il nous dit, il est obligatoire que ça soit une période de menstrues complète. Elle ne peut commencer sa période de viduité si son époux a prononcé le divorce durant celle-ci. Yani, si l'époux divorce la femme pendant ses périodes de menstrues. On a vu que ceci est interdit, haram. Et c'est considéré comme un talaq bid'i. Cependant, le talaq, il est effectif. Le talaq, il est effectif. Le divorce est effectif. Mais on ne compte pas cette période de viduité dans laquelle il a prononcé le divorce. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce soit une période de menstrues complète. Et la période de viduité ne peut pas commencer à partir d'une période de menstrues qui est incomplète. Vous comprenez ? Donc ici, le mari a prononcé la période de menstrues, le divorce pendant sa période de menstrues. Ça, c'est haram. Il n'a pas le droit. Il est transgresseur s'il fait cela. Cependant, comme on a vu, la vie le plus juste, c'est que le divorce est effectif. Il a lieu. Mais on compte pas cette période de menstrue comme la première période de vie de menstrue pendant la période de viduité. Non, parce qu'elle n'est pas complète. Il faut attendre la prochaine période de menstrue. Je vous ai dit, mes frères et mes sœurs, et c'est technique, hein, suivez bien, soyez bien attentifs. Hein, je sais qu'il est tard en France. Écrivez. وأما المطلقة الآيسة من الحي من الحيض لكبرها والصغيرة التي لم تعد بعد فإنها تعتد بثلاثة أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي واللائي لم يحن من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر. Quant à la femme qui n'a pas ses règles dues à son grand âge ou au contraire à son jeune âge, alors elle a une période de viduité de 3 mois selon la période d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens approché. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles, comme dans سورات الطلاق verset 4. وأما المطلقة التي كانت تحيض ثم ارتفع حيضها وانقطع انقطاعا طارئا لا لكبر فهذه لها حالتان. Attention, on rajoute la difficulté au cours. Quant à la femme divorcée qui avait ses règles, puis les règles se sont arrêtées, un arrêt imprévu. Ceci n'est pas dû à son âge. Les règles sont arrêtées pour une raison qu'elle ignore. Alors, 2 situations possibles. الحالة الأولى أن لا تعلم السبب الذي من نعم منع حيضها فهذه عدتها سنة 9 أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة أي عدة الآيسة. La première situation, c'est-à-dire la première situation pour la femme qui a été divorcée, qui avait ses règles, mais ses règles se sont arrêtées, un arrêt imprévu, pas un arrêt dû à l'âge. La première situation, elle ne sait pas la cause, elle ne connaît pas la cause qui empêche ses règles de venir. Alors sa période de viduité est d'un an. 1 an, 9 mois comme la période, comme la grossesse, et 3 mois comme la période de viduité de celle qui n'a pas de règles. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا قضاه عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه ولأن الغرض من العدة هو العلم ببراءة رحمها أو رحمها من الحمل فإذا مضت 9 أشهر دلت على براءة رحمها منه فتعتد حينئذ عدة الآيسة 3 أشهر فيكون المجموع 12 شهرا وبها يحصل العلم ببراءة رحمها من الحمل والحيض. L'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, qui est mort en 204 de l'Hégire, a dit ceci, ce qu'on vient de mentionner, hein, 1 an, c'est le jugement de Omar au sein des Muhajirin et des Ansar. Et nous ne connaissons personne d'entre eux qui l'ait contredit sur cela. Car le but de la période de viduité est la connaissance d'absence de grossesse dans l'utérus de la femme. Si 9 mois se passent, alors cela indique l'absence de grossesse dans son utérus. Puis elle passe la période de viduité de la femme qui n'espère pas ses règles de 3 mois. Ainsi, le total est de 12 mois et avec cela, on atteint la connaissance d'absence de grossesse dans l'utérus ainsi que l'absence de règles. Ça, c'est la première situation. الحالة الثانية أن تعلم السبب الذي ارتفع حيضها كالمرض والرضاع وتناول الدواء الذي يرفع الحيض فهذه تنتظر زوال ذلك المانع فإن عاد الحيض بعد زواله اعتدت به وإن زال المانع ولم يعد الحيض فالصحيح أنها تعتد سنة كالتي ارتفع حيدها ولم تدري سبب رفعه. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد. La deuxième situation, écoutez bien. Elle connaît la cause de l'arrêt des règles, comme la maladie, une maladie qui la touche, ou l'allaitement, ou la prise de médicaments qui arrête les règles. Cette femme-là doit donc attendre la fin de cet empêchement, et la fin de cette chose qui l'empêche, la maladie, l'allaitement, la prise de médicaments, etc. Si les règles reviennent après cela, elle attend donc sa période de viduité avec ses nouvelles règles. Hein, trois périodes de menstrues. Mais si l'empêchement est parti, mais les règles ne sont pas revenues, alors ce qui est le plus authentique, c'est qu'elle passe une période de viduité d'un an, comme celle qui a vu ses règles s'arrêter sans en connaître la cause. Et ceci est l'avis de Cheikh l'Islam et un des avis de l'imam Ahmed. Hein, je vous ai dit ces techniques. J'espère que vous avez écrit. Hein, là, on est dans la femme dont ses règles se sont arrêtées pour un arrêt imprévu. C'est pas un arrêt dû à son âge. Elle connaît la cause. La cause, c'est une maladie, un médicament qu'elle a pris, l'allaitement, etc. Si la cause s'est arrêtée, si les règles reviennent, elle fait ces trois périodes de menstrues. Mais si les règles ne reviennent pas après cela, alors elle fait une période de viduité d'un an. D'un an. Comme la femme, hein, qu'on a vue tout à l'heure, la femme qui ne sait pas pourquoi ses règles se sont arrêtées. Tayeb. وَأَمَّا الْمُسْتَحَاضَ فَلَهَا حَالَاتٍ. Et maintenant, on va terminer. Oh non, il reste encore deux. L'avant-dernier, c'est qui ? الْمُسْتَحَاضَ. La femme atteinte de métrorragie. Hein, celle dont le sang est continuel. Le sang sort continuellement. Elle, elle fait face à plusieurs situations. À vos stylos. Écrivez. الحالة الأولى أن تكون تعلف قدر أيام عادتها قبل الاستحاضة وتعلف وقتها فهذه تنقضي عدتها بمدي المدة التي يحصل لها بها مقدار ثلاث حيض حسب أيام عادتها. Première situation. Pour qui ? Pour la femme atteinte de métrorragie, al-mustahaba. Et donc son mari a prononcé le divorce. Elle connaît le nombre de jours qu'elle avait l'habitude d'avoir avant la métrorragie. Et elle connaît également le temps où elle venait ses règles, avant la métrorragie. Alors dans cette situation, elle passe sa période de viduité lors de la période où elle avait l'habitude d'avoir ses règles, le nombre de jours qu'elle avait l'habitude d'avoir, et ceci durant trois périodes de menstrues. Par exemple, une femme, hein, avant sa métrorragie, du 2 au 9 de chaque mois, elle avait ses périodes, elle avait ses menstrues. Ensuite, la métrorragie arrive, donc elle a du sang continuel. Son mari la divorce, alors elle compte sa période de viduité, elle compte chaque 2 jusqu'au 9 pendant 3 mois. Ça correspond à ces 3 périodes de menstrues, hein, pour que sa période de viduité termine. الحالة الثانية أن تنسى أيام عادتها ولكن يكون دمها متميزا فهذه تعتبر الدم المتميز حيضا تعتد به. Deuxième situation pour la femme atteinte de métrorragie. Elle a oublié le nombre de ses jours. Elle ne sait pas, elle sait plus quand ses règles avaient lieu avant la métrorragie. Mais elle arrive à différencier le sang. Elle sait quand c'est le sang de la métrorragie. Elle sait quand c'est le sang, hein, des règles. Au passage, hein, généralement, le sang des règles, il a une odeur. Une odeur, hein, nauséabonde ou une odeur... désagréable. Et il est foncé. Il est foncé. Au contraire du sang de la métrorragie qui est plus clair et qui généralement n'a pas d'odeur. Al-Muhim. Si elle arrive à différencier le sang, lorsque le sang de menstrue est distinctif, alors elle comptabilise comme une période de menstrue pour sa période de viduité. Al-Halatu Thalitha. An tansa عادتها وليس لها تمييز يعتبر، فهذه تعتد عدة الآيسة ثلاثة أشهر. Troisième situation pour la femme atteinte de métrorragie. Elle a oublié sa période de menstrues et elle ne peut pas différencier le sang. Alors elle considère sa période de viduité telle que la période de viduité pour la femme qui n'espère plus ses règles. Et on avait dit quoi ? La femme qui n'espère plus ses règles, c'est quoi sa période de viduité ? 3 mois. 3 mois donc, c'est pareil pour cette femme-là. La femme atteinte de métrorragie, qui ne connaît pas ses règles ou qui ne connaît plus ses règles, ses périodes de règles, et qui ne peut pas différencier le sang. Une chose très importante, mes frères et mes sœurs, que je veux ici signaler, quand on parle de 3 mois, 3 mois égyriens, mes frères. 3 mois égyriens. Pas 3 mois grégoriens. Ça, c'est toute son importance. Hein? Beaucoup, malheureusement, de nos frères et nos sœurs se trompent et prennent en considération les mois grégoriens. Mars, avril, mai, juin, etc. Ça fait qu'il dure 3 mois avec son épouse, hein, dans la période de viduité, et peut-être que la période de viduité, elle est terminée. Parce qu'il a fait 3 mois égyriens, mais 3 mois grégoriens, c'est plus long. Regardez l'importance et l'impact qui va découler de cette erreur. Donc faites attention, quand on parle de la religion, quand on parle de la législation, on parle de mois, on parle des mois égyriens, que ce soit pour la zakat, que ce soit pour le divorce, que ce soit pour les règles, que ce soit pour n'importe quoi. On parle des mois égyriens. Barakallahu fikoum. Wa amma zawjatul mafqoud. Là, on a terminé la femme atteinte de métrorragie et les 3 situations qu'elle peut rencontrer. Wa huwa man inqata'a khabaruhu. فَلَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُ فَتَنْتَذِرْ زَوْجَتُهُ قُدُومَهُ أَوْ تَبَيُّنَ خَبَرِهِ فِي مُدَّةِ يَدْرِبُهَا الْقَادِي تَكُونُ كَافِيَةً لِلِّحْتِيَاطِ فِي شَأْنِهِ وَتَبْقَى فِي عِسْمَتِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ حَيَاتُهُ فَإِذَا تَمَّتْ مُدَّةُ الْإِنْتِظَارِ الْمَضْرُوبَةِ حُكِمَ بِوَفَاتِهِ وَاعْتَدَّتْ زَوْجَتُهُ عدة الوفاء 4 أشهر و10 أيام وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم بذلك قال الإمام ابن القيم حكم الخلفاء في امرأة المفقود كما ثبت عن عمر. Dernière catégorie de femmes, hein, pour qui la période de viduité, hein, elle doit passer sa période de viduité lorsque son mari la divorce. Quant à la femme dont le mari a disparu, c'est-à-dire celui qu'on n'a plus de nouvelles, on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort, et subhanallah, ça arrive, alors sa femme attend sa venue ou elle attend une information venant clarifier sa situation durant le temps que le juge aura décidé suffisant par précaution dans son affaire. D'accord, le juge musulman, il va définir un temps bien précis pour dire après ce temps-là, après cette période-là, hein, le temps d'attente est terminé. D'accord ? La femme donc reste mariée à cet homme durant cette période que le juge a délimitée, a définie. Car la base, c'est qu'il est toujours vivant. Si la période définie par le juge est terminée, alors on juge cette personne, cet époux, comme décédé. Et la femme passe à ce moment-là sa période de viduité, comme celle dont son mari est décédé, c'est-à-dire combien ? 4 mois et 10 jours. Et les compagnons ont certes jugé avec ce jugement. Ça, c'est l'avis des compagnons, comme l'a mentionné l'imam Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, qui a dit « Les califes ont jugé de cela pour la femme dont le mari est perdu, comme cela est confirmé de Omar, radiyallahu anhu. » فَإِذَا انْتَهَتْ عِدَّتُهَا حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ولا تفتقر إلى تلاقي ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاء. فإن تزوجت وقدم زوجها الأول فالصحيح أنه يخير بين استرجاعها وبين إمضاء تزوجها من الثاني، ويأخذ صداقه سواء كان قدومه بعد دخول الزوج الثاني أو قبله. Ça aussi c'est important. Si sa période de viduité est terminée, hein, alors elle devient licite pour les autres hommes. Elle peut se remarier. Elle n'a pas besoin d'être divorcée par le tuteur de son époux après la période de viduité due à la mort. Ou plutôt, elle n'a pas besoin d'être divorcée par le tuteur de son époux après que la période de viduité due à la mort soit finie. Si elle se remarie et que le premier époux revient, hein, après 10 ans, le premier époux revient, alors la vie le plus juste, nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, est qu'il a le choix, le mari a le choix, entre reprendre son épouse ou la laisser continuer son mariage avec le deuxième. Et lui, il prend la dot. Et il prend la dot. Que le mariage avec le deuxième était consommé ou non. Il n'y a pas de différence si elle a consommé le mariage avec le deuxième mari. Donc le mari a le choix. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السواء في امرأة المفقود مذهب عمر وغيره من الصحابة وهو أن تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاء ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خير بين امرأته وبين مهرها ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده وهو ظاهر مذهب أحمد ثم قال والتخيير فيه بين المرأة والمهر وأعدل الأقوال. Et on termine avec la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui dit la vie correcte concernant la femme dont son mari a disparu, c'est la vie de Omar radiyallahu anhu et autres parmi les compagnons radiyallahu anhu majma'in. C'est-à-dire qu'elle attend 4 ans. Ensuite, elle passe la période de viduité de celle dont le mari est décédé, c'est-à-dire 4 mois et 10 jours. Et il est permis pour elle, après cela, qu'elle se remarie. Il sera donc complètement son deuxième époux, si elle se remarie. Le deuxième mari est son époux complètement. Puis si son premier époux revient, après le deuxième mariage de son épouse, alors on donne le choix à l'époux entre récupérer sa femme ou prendre la dot. Et pas de différence si le deuxième mariage a été consommé ou non. Hein, si le deuxième mariage a été consommé ou non, il n'y a pas de différence. Et ceci est l'avis apparent du madhhab de l'imam Ahmed. Et ensuite, il mentionne, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, le choix entre reprendre sa femme ou reprendre la dot est le plus juste des avis. Hein? Wallahu ta'ala a'lam. Et avec ça, on termine, bifadlillahi subhanahu wa ta'ala, le chapitre concernant l'iddah, la période de viduité. Je vous ai prévenu, mes frères et mes sœurs, que ce chapitre était assez technique, hein, et je pense que vous avez besoin de le réécouter pour comprendre toutes les situations possibles. Et en plus, nous avons résumé. Nous avons essayé de garder, hein, le cours le plus simple possible pour éviter, hein, les complications. Tout comme nous avons essayé d'expliquer, hein, donc ce chapitre du divorce, hein, de la manière la plus simple possible, malgré le fait que beaucoup de sujets, nous ne les avons pas mentionnés, hein, dû au manque de temps. Mais vous comprenez que c'est un sujet très important, un sujet duquel découlent des conséquences qui peuvent être très graves, très néfastes. Et donc il est obligatoire pour chacun de nous, mes frères et mes sœurs, d'apprendre ces sujets, de les comprendre, de les connaître, hein, et de pouvoir les appliquer le jour où on a besoin de les appliquer. Donc mes frères et mes sœurs, j'espère que ces cours vous ont été bénéfiques. Hein, et comme je vous l'ai mentionné, j'espère, hein, sincèrement pouvoir un jour, Inch'Allah ta'ala, faire une explication plus détaillée, hein, de ce chapitre et mentionner les sujets qu'on n'a pas pu mentionner durant cette conférence. Et avant de terminer, j'aimerais remercier mes frères et plus particulièrement notre frère Youssouf Abdelrazak, hafidhahullah ta'ala, hein, pour m'avoir invité sur leur radio à donner ses cours concernant ce sujet très important. Fajazahumullahu khayr al-jaza. Concernant la question que je peux voir sur le chat, je me suis fixé à moi-même de ne pas répondre aux questions concernant le divorce par rapport à ce qu'on avait mentionné au début des cours, que ce sujet, il faut revenir vers les gens de science, il faut revenir vers l'ulema, il faut revenir vers les gens de science qui ont les connaissances et les sagesses nécessaires aux réponses. Malgré ceci, la question ici, si une femme ne souhaite pas être reprise durant sa période de viduité, mais que son mari, si, est-il obligé de revenir avec lui, nous avons étudié ce sujet lors des cours précédents. Je ne me rappelle plus si c'est le cours numéro 3 ou 4, Allahu a'lam, j'ai oublié, mais nous avons dit que les savants, ou plutôt Sheikh Saleh Al-Fawzan a mentionné que les savants ont divergé sur ce sujet. Certains ont dit qu'il est obligatoire que le consentement soit du mari et de la femme. Et certains ont dit seulement celle du mari. Et Sheikh Saleh Al-Fawzan a jugé l'avis, le premier avis, que le consentement soit obligatoire du mari et de la femme comme étant l'avis le plus juste. Wallahu ta'ala a'lam. Je vous conseille de revenir au cours qu'on a donné lors de la conférence. Je ne m'en rappelle plus malheureusement si c'est le deuxième ou le troisième, Allahu a'alam, ou le quatrième, subhanallah, j'ai oublié. Mais vous pouvez revenir aux cours qui sont disponibles sur la chaîne Telegram de nos frères. Fajazakumullahu khairan, wallahu ta'ala a'alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته